l'émission pour vous, les fous de la musique. Vous êtes à l'antenne du 99.1 et 88.9 CFNJ. Mathieu Lajoie au micro pour vous servir. Donc, Mélomanes, édition du 4 novembre 2015. Donc, j'espère que vous vous êtes remis du party d'Halloween la semaine dernière. Vous avez été très nombreux à s'intoniser. Très content de ça. Et ce, malgré tous les petits accros et les petits écarts de conduite. Merci de votre fidélité, chers auditeurs. Vous êtes extraordinaires, je le dirai jamais assez. Cette semaine, ça va moins brasser un peu. On a besoin de se réchauffer avec de la musique réconfortante. Mais ça va pas être moins bon pour autant. Je peux pas faire autrement. Il faut toujours que ça soit bon, mesdames et messieurs. On revient à nos petits bijoux habituels, mais on va quand même dans plein de directions différentes. Donc, restez ouverts d'esprit parce que c'est aussi ça, Mélomanes. Et on amorce la soirée qui s'annonce prometteuse, laissez-moi vous le dire, avec un classique de 1975, une pièce co-écrite par John Lennon. Fame 99.1 CFNJ.

friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, des petites friseuses, ah ouais Philippe, c'est Tata, ah ouais Philippe, tu trouves pas ça long, toi Tata, Philippe, Tata, jouer du violon, ah ouais, joue ça, ben approche, approche, approche un peu, approche, approche du micro, un petit peu, Pensez-y, un instant, pensez-y deux minutes. Sans temps, c'est long, hein? C'est long, sans temps. Sans se plaindre. Y'en a qui pourraient, mais qui n'ont jamais fait ça. Y'en a qui voudraient et qui ne pensent qu'à ça. Y'en a qui essaient et qui n'y arrivent pas. D'autres qui font ça parfois, plusieurs fois. Et puis, y'en a qui s'en foutent, qui font ça n'importe comment. Y'en a qui sans doute ne font ça que le jour de l'an. Y'en a que ça dégoûte, et y'en a qui font semblant, d'autres qui s'arrêtent en route, en bâillant. C'est pourtant facile, c'est pourtant facile, c'est pourtant facile, de la la la la. Y'en a qui font ça en veste de pyjama. Y'en a qui font ça en rentrant du cinéma. Y'en a qui font ça dans des endroits faits pour ça. D'autres qui font ça tout seul. Pourquoi pas? Et puis, y a les amateurs qui font ça maladroitement. Il y a les professeurs qui font ça scientifiquement. Il y a les fonctionnaires, les docteurs, les présidents. Il y a bien sûr tous les gens qui trouvent ça facile, qui trouvent ça facile, qui trouvent ça facile de danser le tango. Sacha Distel au 99.1 CFNJ, vous êtes toujours à Mélomane avec une chanson de 1966, la pièce « Y en a qui font ça ». Sacha Distel, qui est à l'origine d'une foule de succès dans ce genre-là, on a juste à penser à Monsieur Cannibal, Scandale dans la famille et, évidemment, l'incendie à Rio. Toujours d'une musicalité captivante, ça a l'air facile, mais ça l'est jamais tant que ça. Une chose qu'on sait moins, c'est un gars qui a quand même fait ses débuts comme guitariste de jazz et qui était considéré comme un des meilleurs en France et qui accompagnait des grands comme Stéphane Grappelli, Sarah Vaughan, Frank Sinatra. C'est pas peu dire. Donc imaginez, on le prend peut-être un petit peu trop à la légère, ce cher Sacha Distel. Et c'était précédé de Robert Charlebois avec la complètement déjantée Engagement. On parle d'une pièce de 1968, de la folie en musique sur des textes décousus du comédien Marcel Sabourin, qu'on adore. Et aussi fou que ça puisse paraître, Marcel Sabourin dit ne jamais avoir pris de drogue de toute sa vie. Juste une belle folie saine, disons. Et sinon, on a entendu les Bee Gees avec Tragedy en 1979, tiré de l'excellent album Spirits Having Flown de la même année, qui suivait nos Suédois préférés ABBA avec Lay All Your Love on Me, un single de 1981, d'un de leurs très bons albums aussi, soit Super Trooper en 1980. Et le tout amorcé par ce cher David Bowie et la chanson Fame tirée de l'album Young Americans, coécrite, comme on le disait, par John Lennon en 1975. Et maintenant, on y va avec un petit duo à saveur gospel, suivi d'un mini spécial grec concocté avec amour pour vous, chers auditeurs, les Isley Brothers au 99.1 CFNJ. A little bit soft now. A little bit soft.

ciel sera moins gris. Yeah. autour de la terre. Libre comme un poisson dans l'eau, comme un oiseau dans l'air. Léger comme le vent qui danse dans les arbres, ou le mât d'un bateau qui danse sous la vague. Danse tant que tu peux danser sur les pavés sur l'air. Sur une table de bistrot à l'ombre des tavernes. Viens, laisse-toi porter par toutes les musiques qui sortent d'un piano ou d'un vieux tourne-disque. Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre. Danse dans les bras de Marco ou Julie de Nanterre. Danse pour retrouver l'amour et la folie. Danse pour éblouir ton âme qui s'ennuie. Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre. Pour ne plus porter sur ton dos la mort et la misère. Et tu verras jaillir des sources souterraines et des torrents de joie qui coulent dans tes veines. Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre. Danse pour qu'un printemps nouveau balaye les hivers. Danse comme l'on vit, danse comme l'on aime. Danse comme on écrit sur les murs un poème. Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre. Danse tant que tu peux danser, viens le bal est ouvert. Danse tant que tu peux danser, viens le bal est ouvert. Danse tant que tu peux danser, danse tant que tu peux. Thank you. 96.9.1 et 88.9 CFNJ. De retour à Mélomane, Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. On vient d'entendre un beau petit spécial autour de la Grèce, comme ça, pour le plaisir de visiter les sonorités d'un pays. Le bouzouki, un instrument qu'on a entendu beaucoup, entre autres choses. On a entendu aussi le compositeur grec, qu'on vient d'entendre d'ailleurs, là, qui a 90 ans aujourd'hui, Mikis Theodorakis, avec le thème principal de la trame sonore de Zorba the Greek. On était en 1964, un film avec Anthony Quinn. Et on a déjà entendu Mikis Theodorakis à l'émission avec le thème du film Serpico, il y a deux semaines de ça, un film des années 70 avec Al Pacino, tout jeune à l'époque. Juste avant, on a entendu aussi George Moustaki, de descendance italo-grecque lui-même, avec une danse à 5 temps en 1972. Et c'est ça le titre, danse, qui ça suivait Cat Stevens avec Ruby Love de 1971, tiré du magnifique album Teaser and the Fire Cat, une chanson encore remplie de bouzouki et qui comprend tout un couplet en grec. D'ailleurs, dans la pochette, on pouvait voir originalement les caractères grecs très différents des nôtres, hein, qui ressemblent un peu aux russes. Mais là, je ne suis pas spécialiste, je ne vais pas m'avancer trop. Et toujours dans notre mini spécial grec, Nana Mouskouri, bien sûr, grande ambassadrice de par le monde avec l'intemporel Soleil, Soleil, qu'on se met tous à fredonner automatiquement en l'entendant. Une chanson de 1972. Et juste avant, deux pièces à saveur très gospel. Paul Simon avec Gone at Last, avec la chanteuse, la voix magnifique de Phoebe Snow, qui nous a poussé la note la plus aiguë de la soirée. C'était tiré de l'excellent Still Crazy After All These Years de 75, précédé des Isley Brothers et Shout Part 1 and 2. Attention, on a écouté les deux côtés du 45 tours de 1959. Et on poursuit en musique toujours avec des parfums assez exotiques. 1971, Gypsies, Tramps and Thieves au 99.1 CFNJ. A traveling show. My mama used to dance for the money they'd throw. Papa would do whatever he could. Preach a little gospel, sell a couple bottles of Dr. Good. Lay their money down. Picked up a boy just south of Mobile. Gave him a ride, filled him with a hot meal. I was 16, he was 21. Rode with us to Memphis, and Papa would have shot him if he knew what he'd done. Lay the money down. Never had schooling, but it taught me well with a smooth southern style. 3 months later, I'm a gal in trouble, and I haven't seen him for a while. Oh, I haven't seen him for a while. Oh, she was born in the wagon of a traveling show. My mama had to dance money they throw. Grandpa do whatever he could. Preach a little gospel, sell a couple bottles of Dr. Good. Gypsies, tramps and thieves, we hear it from the people of the town. They call us gypsies, tramps and thieves. But every night all the men would come around and lay their money down. Lay their money down.

depuis 30 ans. CFNJ 99 Quelques nuages pour les prochaines heures, un peu de brouillard, un minimum de 3. Jeudi ennuagement, maximum de 16. Et 18 degrés vendredi, ciel nuageux avec quelques averses. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, des nuages cette nuit, du brouillard, un minimum de 3. Ennuagement jeudi, maximum de 15. Et plus intermittente vendredi, maximum à 17. CFNJ. Always keep moving.

au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. The OJ's en 1973 avec For the Love of Money au 99.1 CFNJ. Encore une chanson qu'on connaît tous sans savoir le titre ou peut-être qui la chante. Eh bien, c'est à ça que ça sert, Mélomane. C'est aussi un bel exemple de Philly Soul, un style qu'on découvrira peut-être ensemble à un moment donné. On a découvert le soul de Memphis, de Détroit, et là, on pourrait se tourner vers le soul de Philadelphie, complètement différent. Bon, on fera peut-être pas une émission complète là-dessus, par contre, parce que ça tend souvent des longues ballades très langoureuses, mais très orchestrées, beaucoup plus que ce qu'on a pu entendre dans les autres sortes de soul qu'on écoutait à l'émission jusqu'à date. Puis plusieurs chansons aussi que vous pourriez connaître dans ce style-là. Sinon, on a entendu des classiques des années 70, juste avant deux compositions de l'Écossais Jerry Rafferty, soit dans le cadre de son groupe Steeler's Wheel en 1972 avec Stuck in the Middle with You, originellement une parodie du style d'écriture de Bob Dylan, et à son propre nom, donc Jerry Rafferty, avec Baker Street et sa ligne de saxophone très distinctive qu'on connaît tous. On était en 1978. Et une autre pièce typiquement 72, Brandy, You're a Fine Girl, par le groupe Looking Glass. Et tout ça était précédé d'un parfum d'exotisme avec Cher en 1971 avec la chanson Gypsies, Tramps and Thieves et de la magnifique Marie Laforêt avec Yvan Boris et moi de 1967. Et on y va maintenant avec un bloc un peu plus jazzé avec, pour commencer, deux alcoolos notoires mais deux génies sans pareil. Une pièce suivie de son hommage à peine voilé, donc tendez l'oreille tout d'abord, Boris Vian au 99.1 CFNJ. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante, la vie est-elle tellement vivante, je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sous, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir pour pas me dire qu'il faudrait en finir.

Avec moi, et si tu t'en y penses à moi, ton chagrin s'en ira quand je serai dans tes bras. Mais en attendant, pense à moi, pense à nos vacances au ciel de Paris, à notre plage, à nous deux, à ce grand soleil sur toi et moi. Et pense à la neige, à l'hiver, au chalet sous les sapins verts, à nos soirées près du feu de bois. Prends pas cet air-là quand tu n'es pas avec moi. Et si tu t'en y penses à moi, ton chagrin s'en ira quand je serai dans tes bras. Alors mon amour, pense à moi. Pense à tous les mots que l'on dit quand tous les amis sont partis, qu'il ne reste au monde que toi et moi. Alors on devient silencieux, tu me caresses avec les yeux en disant tout bas, je t'aime toi. Je l'entends déjà au lointain, le train qui partira demain et qui te ramène enfin vers moi. Tu sais bien que je serai là avec tant d'amour dans la voix. Ne pense, pense, pense qu'à ça. Ne prends pas cet air-là quand tu n'es pas avec moi. Et si tu t'ennuies, pense à moi. Ton chagrin s'en ira quand je serai dans tes bras. Alors mon amour, pense à moi. Vous êtes toujours à Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ partout dans la Nodière. Et on vient de compléter un petit bloc plus jazzé avec France Gall en 1963 et la pièce « Pense à moi » qui est encore une fois un hommage à peine voilé à celle qu'a jouée juste avant, tirée d'un des deux albums de jazz les plus vendus au monde, soit « Time Out » du Dave Brubeck Quartet en 1959, l'autre étant « Kind of Blue », la même année de Miles Davis, deux albums qui s'échangent comme ça à la première place depuis 59. Et il s'agissait bien sûr de la pièce « Take Five », un pilier du « cool jazz », et deux pièces, celle de France Gall et Dave Brubeck, avec un rythme à cinq temps, comme la pièce de Moustaki de tantôt, quelque chose d'assez inusité en musique pop et en jazz aussi, surtout en 1959. Et juste avant, l'unique Boris Vian avec « Je bois » de 1955, suivi de son hommage, encore une fois à peine voilé, par Gainsbourg en 62 avec « Intoxicated Man ». Et là, on part dans une toute autre direction, celle du blues britannique des années 60, ou du moins, on va tourner autour des artistes qui ont marqué la période. Un des groupes pivots du genre va être John Mayall et les Heartbreakers, mais aussi beaucoup les Yardbirds, qui va voir passer dans ses rangs trois légendes, nul autre qu'Eric Clapton, Jeff Beck et Jimmy Page, qui vont ensuite former les New Yardbirds, qui vont devenir par la suite Led Zeppelin. Et il y a aussi un jeune Américain de Seattle qui va venir les visiter et qui va tout bouleverser, un certain Jimi Hendrix. L'ère des Guitar Heroes était née. C'est ça, les Guitar Heroes, les premiers Guitar Heroes, finalement. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à aller consulter mon top 10 des groupes contemporains aux Beatles sur le site du journal L'Action. Juste écrire Mathieu Lajoie, L'Action Joliette sur Google et vous y êtes. Bref, ça va rocker un peu plus dans le prochain bloc. 1967, Eric Clapton, Jack Bruce et Ginger Baker qui forment le groupe Cream au 99.1 CFNJ. Searching for your love and my soul. FNJ 99.1 et 88.9, avec vous partout dans la Naudière. Et oui, le grand guitariste britannique Jeff Beck au 99.1 CFNJ. Vous êtes toujours à Mélomanes en compagnie de Mathieu Lajoie jusqu'à minuit. Et oui, le plus méconnu des trois, si on le compare avec ses compatriotes Eric Clapton et Jimmy Page, mais loin d'avoir à les envier en termes de talent. Et on a entendu ici sa reprise aux accents reggae des Beatles, She's a Woman, de son album à tangente un peu plus jazz fusion, l'album Blow by Blow de 1975. Et on l'a aussi entendu avec sa guitare élastique sur Over Under Sideways Down des Yardbirds en 1966, juste avant, tiré d'un excellent album concept Roger the Engineer de la même année. Et juste après, c'était Strange Brew de Cream. Et c'est juste après Strange Brew de Cream, c'était The Jimi Hendrix Experience en 1968 avec Gypsy Eyes, qui nous provient du légendaire Electric Ladyland. Hendrix qui va devoir se faire apprécier plutôt en Angleterre avant de se faire reconnaître dans son propre pays, l'Amérique, comme quoi nul n'est prophète en son pays. Et Hendrix qui, comme je le disais tantôt, a complètement bouleversé les choses en arrivant en Grande-Bretagne. Ça a bouleversé les choses, mais pas juste les choses. La légende dit qu'Eric Clapton, qui est considéré comme un dieu de la guitare à ce moment-là, serait retourné chez lui en pleurant. La première fois qu'il aurait vu jouer Hendrix devant lui, il se disait sûrement qu'il venait de se faire usurper sa place au trône. Donc, on retourne en musique. Je vous avais parlé du vieux Fleetwood Mac des fins 60, début 70 la semaine dernière. Eh bien, on va en entendre après la très planante Albatross, une chanson, un groupe qui a été le préféré de John Lennon, Fleetwood Mac, pendant des années, le vieux Fleetwood Mac. Et on va voir pourquoi juste après, vous tendrez l'oreille un peu, ça va continuer un peu dans la veine des chansons suivies de leur hommage ce soir. Donc, on va entendre Albatross, suivi d'une chanson qui se veut un hommage. Mais tout d'abord, on vient de parler de Jeff Beck avec sa reprise de She's a Woman des Beatles. Eh bien, on écoute l'original à l'instant au 99.1 CFNJ. Hate to see me cry. She faccio mio amore te felice cara son. Mondo paparazzi mio amore ci caferri parasol. Questo abbricato tanto mucho che venite cara son. Now till quarter to three, would you lock the door? Lock the door. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Not today. We shall scream and say. You mean to say you're sincerely wasting away? Give me your answer, fill in the form. Bonjour à Méloman au 99.1 CFNJ. On entend en ce moment même la version dub reggae de When I'm 64, toujours des Beatles, autour de qui gravitait notre petit bloc du groupe Easy Star All Star avec leur invité Sugar Minot en 2009. Et oui, très très récent. En fait, la pièce la plus récente que j'ai jamais fait jouer à l'émission, mais bon, c'est une reprise des Beatles. Easy Star All Star qui va s'affairer à la tâche gargantuesque de faire des versions dub d'albums concept complets, donc soit Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ici, mais ils se sont aussi attaqués à des classiques comme Dark Side of the Moon de Pink Floyd qui devient Dub Side of the Moon et OK Computer de Radiohead qui devient Radio Dread. Bref, très bon, allez voir ça si vous êtes curieux et aimez le reggae évidemment. C'était précédé d'Albatross, de la première mouture de Fleetwood Mac avec la guitare planante de Peter Green, un autre grand guitariste sous-estimé de la période, un peu à l'instar de Jeff Beck, et une chanson qui va inspirer celle qu'on a entendue juste après, Sun King, composée par John Lennon sur l'énorme Abbey Road des Beatles en 69. Et c'était aussi les Beatles qui avaient amorcé le bloc, mais avec une pièce de McCartney cette fois-ci, She's a Woman, qui était en fait la face B du 45 tours d'I Feel Fine en 1964. Et maintenant, pourquoi pas se tourner vers de la grosse musique flamboyante Las Vegas style?

tell me when. Rascals en 1967 avec l'excellente Groovin' au 99.1 CFNJ. Vous êtes toujours à Méloman jusqu'à minuit, qui approche déjà à grands pas et tellement de belles musiques à venir encore. Donc, on va faire ça bref. De la musique Las Vegas style, comme on disait tantôt, le tout amorcé par un des rois du genre, Tom Jones avec She's a Lady en 1971, suivi de deux pièces très influencées par les rythmes de samba et de bossa nova du Brésil. On a entendu Barry Manilow en 78 avec Copacabana at the Copa, entre parenthèses, et de ce cher Engelbert Humperdinck qui vient de pair avec Tom Jones avec Cuando, Cuando, Cuando de 1968. Et tant qu'à être dans le brésilien, j'ai décidé d'y aller ensuite avec un maître du genre, le grand guitariste de Rio de Janeiro, Luis Bonfá, et une belle bossa nova de 1963 qui s'appelle Vemso. Sans plus tarder, on s'en va vers de la musique un peu plus bizarre, un petit peu plus aventureuse, mais tout d'abord, deux belles ballades bien sirupeuses des 70s, comme on les aime. Le groupe Player en 1977, suivi d'une pièce originalement composée par Neil Young au 99.1 CFNJ.

toi, Méloman, au 99.1 et 88.9 CFNJ, partout dans la Naudière. Et on vient d'entendre quelque chose que j'aurais jamais pensé vous faire jouer à l'émission. Le groupe Primus avec Over the Falls, tiré de leur excellent album Brown, le Brown Album de 1997. Et oui, les Beatles ont fait le White Album, Metallica le Black Album et Primus l'album brun. Et en fait, les trois chansons qu'on a entendues juste avant sont toutes des pièces que Primus, un groupe assez éclaté, merci, et aux influences très diverses, ont repris sur leur mini-album Michelinus Debris de 1992. Donc, nous, on a entendu les versions originales, évidemment, avec Peter Gabriel en 1980, avec Intruder, sûrement la plus bizarre de la soirée, mais bon, Peter Gabriel, il faut s'y attendre. Et c'était suivi du groupe anglais XTC avec Making Plans for Nigel en 79 et du groupe funk par excellence de la Nouvelle-Orléans, The Meters, que je vous encourage à découvrir avec Tippy Toes en 1970. Et tout le bloc amorcé par deux pièces, deux belles ballades, une du groupe Player avec Baby Come Back en 1977. Et un an plus tard, Nicolette Larson avec Lot of Love, une chanson de Neil Young, qui va enregistrer lui-même plus tard sur son album en 78, si je ne me trompe pas, Come the Time. Et là, j'ai comme envie de vous faire écouter un véritable bijou du Chicago Blues. J'espère que vous êtes prêts. L'harmoniciste Junior Wells, avec à ses côtés un jeune Buddy Guy à la guitare, est tiré d'un chef-d'œuvre d'album du genre, Hoodoo Man Blues en 1965. Et ensuite, on fait volte-face complètement, mais j'aimerais que vous fassiez preniez une attention particulière à un chef-d'œuvre d'un autre genre, soit les paroles incroyables d'Anne Sylvestre en 1977. Et c'est là-dessus qu'on se quitte déjà. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Il va y avoir un bon petit bloc de musique quand même intéressant. On va retrouver du Willie Nelson, du Donovan, peut-être du Three Dog Night. Et si ça va bien, peut-être deux surprises vers la fin. Tout dépend du temps qu'il nous reste. Non, mais venez nous rejoindre la semaine prochaine, même heure, même poste. Méloman, mercredi 21h. On va y aller dans un setup un petit peu plus chronologique la semaine prochaine. J'ai goût, ça va être varié, mais on va partir des années 50 et on va monter tranquillement jusqu'aux années 70, voire même 80. Donc, Méloman, mercredi 21h, en vous souhaitant une bonne semaine d'ici là. Mais tout d'abord, on se surprend, on suspend hors du temps avec In the Wee Wee Hours au 99.1 CFNJ. Bonne nuit à vous. 99.1 et 88.9 CFNJ. Ooh wee, ooh, ooh, ooh wee. I just need somebody got to help me. Oh Lord, sing these blues. Look here, baby, come. Ha ha ha!

but it's my life. On you, easy to be proud.